Balolo monjelu. Jelu. Kotonjelu. Jelu. Lelo lia lisiye kobwe. Lo seka nyo. René ifa renyé. Ikole. Tata nomé ilonga bovalia pufu. Tata ilonga. Asil kayala. Atayo lisiye kobozo zanga. Tumbuchunke takonyo kamera nga chwazia kichonga walili Noko soni echo mboyoma mboyoma Mboyoma Los Angeles eko kwe Cyprien Baoyi Renero Pampara yoma e Richard Bofenda Lianja Yelis eko kwe nga yero kote na fie Mboyoma Mame libala some angata wewe Wefole popo Lianja Natikala nangobe mboye Nadine mami eko fu Okirio ni itami dola kovalele Rochelle Nomé, Rosalie Christelle en mode de la mort de Molo, Annie Coco. Et alors, quand elle est pour moi, la consonne à la yé, la consonne à la yé, il s'est calé au moto, la ticale à la mon ami Teco, Julien et Coco, et les marins la tata à la Molo, ça n'a yé, Steve Loco, ça n'y est bienvenu, le poule, et les mamas bé, et les mecs, toi, tu la vois, ton mon bâton en canard, Mimi Bongangale. J'ai dit que comme il y a caillé Eh eh eh eh eh Y'a quoi sous ma gueule Daniel Monateba On se la va rater au Kimano Au Kimano Alisa Wina Mimi Moju Moyo wo ke yo Moyo wo ke yo Moyo wo ke yo Moyo wo planine Ko baba nane ke ye Moyo wo Tata nye ka mama Karola kitwe bonye Mamo ko pema Kwe kaba kaba moteba Kwe kelo moto Pharmacie Léopard ou Enzabi Kumba Kumba Moyo wa yalisiye kope tuto la geyo Président Léopard Moyo wa geyo Moyo wa geyo Moyo wa mwabendo mwabendo Miguel Massi à la moutée maman tete Moyo wa geyo Maman lete maman lete Moyo wa yikendo maman lete Moyo wa geyo Moyo wa geyo Rifini Kambo Moyo wa tulende la polo saka tuto la geyo Moyo wa geyo Moyo wa Moyo wa desai koya kaka soso pemele Clara ekanga na moyo e Moyo mukelo Moyo wa sisela liki lupa Major lotoko Moyo wa kumameli akayo wale Karen matala amina nga propre Moyo wa denise balonye Inosa na poma mubali ya mamundele Moyo wa kiyo Ikendala Moyo wa berina bolo kame balonyo Moyo wa kopretie kofwe tuto la Oh Maria mwe Mwenyama mwotwe nilonga longa nyo teko soyu mengina Losa nyake lise kopo bono Saka bo ninga toko ninga eneme Kwena koma mwota koma na Mpenge mpenge na din toloma Moyo wa kiyi Moyo wa babu nyale nango na balo nyiki Moyo wa kiyo Ya jano puteya Lolo mondele Ya yo mwoni ndenge mario soma Teke linga mino nanga epa chiro chiro Kolonel Bomongo Mwa lelo Le commissaire, Mon appétit à Mobila. Mon appétit à Mobila. Les quatre pilars fidèles, les Castro. Véritable moi de Kanga Jipe à Mangasa. Ya Bobo mon cono. Appellation bien contrôlée au Mba immeuble. Oh Kisia Fiola eh. Amunya ni sakata mama o. Safia et Fuka. Baramo vito loué. Ya Pacha Loboko. Aïna Djoba ya Kaboka ni Duban Keke. Kiki loboko nasika loboko eh. Mama boko nandako ya teka kamisiri. Mama kende kina zando. Mama kela nina Paris. Kelo maso besukage. Kobele kaka mibale. Mapa kobadisi. Docteur Chey Koko. Alingi teyo bene kolo. Petina namboko bilike di kolo kezu. Bolumwe nyange waya. Mama meki chaye. Japone okito bolo sana. Mama meki chaye. Mama,